Connu par l'ampleur de ses recherches, mais aussi par la vivacité et l'humour de sa parole, Abraham Molz, professeur honoraire, directeur du laboratoire de psychologie sociale de Strasbourg, propose de réfléchir sur le thème « la volupté de faire du bruit ». Cette composante des attitudes individuelles et collectives est analysée comme un jeu de rôle. Jeu de rôle pas toujours drôle lorsque la science de la guerre est de la partie. Abraham Molz. Alors, je voudrais d'abord faire quelques remarques sur la façon de faire du bruit. D'abord, le bruit comme un sous-produit nécessaire de mon activité. Censurer mon bruit, c'est donc censurer ma vie. Le deuxième terme, c'est celui de l'intention de se révéler au monde par son action sonore. Et le troisième, c'est l'idée d'un résidu global d'une multiplicité de causes, le résultat d'un état du monde en un lieu où, c'est le mot important, c'est l'idée de multiplicité. L'autre remarque que je voudrais vous proposer, c'est l'idée d'ordre-désordre d'une part et l'idée d'intelligibilité d'autre part. Ce qui est important, c'est que l'estimation du rapport ordre-désordre, il y a donc un ordre projeté sur un phénomène qui est différent chez le producteur et chez le récepteur. Le deuxième concept, c'est le concept d'intelligibilité d'un son, c'est-à-dire capacité de le relier à un système connaissable du monde naturel. Ça, c'est le lavabo de la voisine. Et ça, c'est une chaîne de fidélité. C'est pas pareil. Alors, quelles sont les motivations des gens qui tournent du bruit ? Ici, je me recoupe probablement un peu avec ce qui vient d'être dit. Moi, je n'ai pas trop de scrupules, il faut être redondant. La sous-estimation des effets sur les autres. Le deuxième élément, c'est l'idée de dominance culturelle comme totalitarisme sonore. L'autre notion, et cette notion existentielle, ça prouve que j'existe. Alors, on pourrait citer le prix primal, je pense que les psychologues ont des opinions là-dessus. Donc, les enfants, pourquoi font-ils du bruit ? Ça prouve que j'existe et vous allez le voir encore mieux. D'ailleurs, je vais m'imposer. Alors, nous glissons petit à petit vers la volonté d'agresser. La volonté d'agresser ou la guerre des bruits qui exploite. Et ceci est important et intéressant, les zones grises de la tolérance. Et par conséquent, qui va être lié à un autre mécanisme, au mécanisme « Comment puis-je me servir du champ de liberté marginale qui m'est laissé pour m'exprimer en fonction des autres motivations que je vous ai données précédemment ?» D'où un spectre des motivations du causeur de bruit, du bruyant, et se propose à ce moment-là un problème de champ de bataille du bruit, que je vous caractériserai à peu près dans ces termes. D'un côté, des caractères morphologiques du type continu ou discontinu, impulsif. De l'autre, l'idée, si vous voulez, d'irrégularité et l'idée d'imprévisibilité, comme quatre caractères que je vous ai suggérés tout à l'heure. Alors ce serait le plan morphologique. Et ici, il y a bien effectivement le plan des intensités que je m'efforcerai du côté du psychologue d'apprécier ainsi, donc par une échelle, l'échelle de l'imperceptible, l'échelle du perceptible, l'échelle du perçu spontanément, l'échelle du gênant, le degré du disruptif, ensuite la perte de rendement effective, ensuite le dommage physiologique. Alors ça, c'est parfaitement connu. Alors, dans ce champ de bataille, je devrais essayer de vous proposer de décrire un combat. Et pour décrire un combat, à partir de cette analyse, qui, vous le voyez, prend plus ou moins axiomatiquement, enfin c'est le thème qui m'avait été fixé, la volupté et la volonté de faire du bruit. Alors je vous proposerai donc une sono polémologie, c'est-à-dire une science de la guerre. Alors, puisque c'est une guerre, il est peut-être utile de rappeler la notion, les notions fondamentales de la théorie des jeux. La première, c'est l'opposition entre le jeu contre la nature et le jeu contre un adversaire. Le jeu contre la nature, c'est, si vous voulez, la nature ne me veut pas de mal. Par contre, le deuxième cas, c'est l'idée de le jeu contre un adversaire intelligent qui me veut du mal. Il y a un combat entre eux. Dans ce combat, tout ce que l'agresseur a pu causer comme dommage à l'agressé, si par exemple il l'a tué ou l'a rendu sourd, et c'est une victoire, c'est positif. Et d'autre part, émergera un concept qui, du point de vue de l'agressé, est positif, la menace. Ensuite, se produit le mécanisme de l'intervention. Ensuite, vous avez le dommage infligé. Ensuite, il y a malgré tout, du côté négatif, malgré tout la crainte des sanctions pour l'agresseur. Ensuite, il y a deux facteurs importants, c'est la fatigue et l'inertie. Donc, une échelle d'éléments. Et ce que je vous suggère, c'est la construction d'une matrice des jeux. Vous avez donc l'agresseur, vous avez donc l'agressé. L'agresseur a des comportements, j'en ai énoncé quelques-uns. Ils ne sont pas les mêmes, et on portera dans chacune des cases les bénéfices généralisés et les coûts généralisés, les pertes et les gains de chacun des adversaires. Avec la règle que vous connaissez tous du minimax, le minimum du maximum des pertes que l'adversaire pourrait m'infliger. Tout ceci s'exprimant en ce qu'on appelle coût généralisé, toute action. Celle de faire du bruit comme celle de ne pas en faire, celle de le supprimer quand on en fait naturellement, ou etc. Toute action délibérée, tout acte de la conscience, implique d'abord des éléments simples qu'on appellera des actomes, ou atomes d'actes, qui constituent ce qu'on appellera un micro-scénario d'usage. Et puis, elle implique également cinq composantes fondamentales, le prix de l'action, le prix que ça coûte en argent, le temps utilisé, le temps passé, l'énergie employée, le coût cognitif, c'est-à-dire de combien il faut faire travailler son cerveau, parce que faire travailler son cerveau, c'est fatigant, et on a des ressources limitées. Et le coût de risque, c'est-à-dire le fait qu'ayant engagé un processus ou une procédure, ça ne marche pas. Alors là, il y a un coût de risque. Et par conséquent, pour chacun des acteurs, on calcule combien ça fait, et le coût global d'un acte, c'est ça. Alors, ceci nous rencontre bien d'un certain nombre de phénomènes d'inertie ou de refus d'engager des procédures chez les gens qui sont victimes des mécanismes. Le rapport entre ces différents cinq éléments peut s'appeler le profil global de l'action ou sa physionomie.